Chapitre 8 À travers bois. Le soleil descendait à l'horizon dans un bain de pourpre. Les oiseaux chantaient leurs prières du soir. À nous deux, croque-miton, mitamitaine, fredonnait l'enfant. Je ne quitterai pas la place pour les éperons de chevalier. Le ciel devint doré, puis bleu turquoise, puis violet, puis indigo, puis noir. Des milliards d'étoiles prirent place pour voir ce qui allait se passer. Une moitié de lune grimpa lentement dans le ciel, avare de sa lumière, jaunâtre comme si elle eût été dans un de ses jours de fièvre. L'air devint plus frais. Un petit vent aigre se mit à secouer les feuilles couvertes de la poussière du jour et à préparer leur toilette du lendemain. Tout autre bruit que le froufrou du feuillage avait cessé. Les herbes avaient poussé si dru depuis un siècle que Mitaine ne savait où poser le pied. Elle n'avait pas peur, et cependant, à mesure qu'elle avançait, elle devenait plus sérieuse. Le recueillement dans le péril est une des manifestations du courage. Le poltron n'est pas recueilli devant le danger. Que vais-je trouver là-bas? Quels obstacles vont m'être opposés? Il n'en est pas qu'on ne puisse vaincre avec du courage, de l'adresse et de la persévérance. Ai-je toujours entendu dire à mon royal parrain? S'il a raison, je ne crains rien. Ce croque-mitaine n'est peut-être, après tout, qu'un chef de pillard exploitant la frayeur publique et détroussant les passants. Les passants? Mais personne ne passe ici. Et d'ordinaire, on embellit plutôt qu'on ne rend effroyables les chemins qui conduisent à des pièges. Bah, nous verrons bien. Tout le passé de Mitaine lui revint en mémoire. Il lui sembla qu'elle serait moins seule si elle s'entourait du souvenir de ceux qu'il aimait. Elle crut entendre des voix amies. « Prudence, murmurait sa mère. Persévérance, disait Charlemagne. Courage, disait Roland. Ainsi escortée, elle pressa plus résolument le pas et ne tarda pas à arriver sur la lisière de la forêt. En y entrant, son pied glissa sur un objet rond et gluant. Un serpent se noua autour de ses jambes. « Bon, dit Mitaine, ça commence. » Il y a place dans le cœur humain pour la prudence et le courage. Tous deux y vivent en bons voisins, et ce serait, mes enfants, vous faire une très fausse idée de la bravoure que de supposer qu'elle exclut la prévoyance. Mitaine avait eu soin de se vêtir de mailles, et elle se loua fort d'avoir ses gantelets quand elle se baissa pour prendre le reptile. Elle saisit un corps rond et souple, et s'apprêtait à l'écraser sous son talon, quand elle reconnut que ce qu'elle avait pris pour un serpent était une liane qui se brisa dans sa main. Elle eut honte un instant. « Voilà l'effet de tous les contes que j'ai entendu débiter depuis quelque temps sur ce ridicule château. Si l'on n'avait pas cherché à m'effrayer, je ne me serais même pas baissée. » Elle continua son chemin. La lune envoya ses rayons dans la forêt, et Mitaine remarqua alors de blancs fantômes qui la menaçaient de loin. Quelques-uns avaient entrouvert leur linceul et laissaient voir leur corps de squelette qui grinçait à chaque mouvement. D'autres encore montraient d'effroyables blessures dans lesquelles des armes étaient restées. Des bras décharnés se tendaient vers elle, et le vent lui apportait d'insaisissables menaces. Elle se laissa surprendre par un mouvement de crainte. Aussitôt les spectres secouèrent leurs chevelures, agitèrent leurs bras et se mirent en mouvement. Elle les vit s'avancer, innombrables, menaçants, avec des craquements lugubres. « Par Roland, je crois que j'ai peur !» se dit la petite. « Mon parrain rougirait de moi s'il savait cela. » Elle mit l'épée au poing et s'élança. Le sentiment d'effroi qui s'était emparé d'elle était à peine apaisé que tout prit un autre aspect. Les fantômes se dispersèrent, et Mitaine ne vit plus devant elle que des bouleaux à l'écorce blanche sur lesquels la lune promenait ses rayons. Au lieu de blessures, les rugosités du bois. Au lieu de bras, des branches. Au lieu de chevelure, le feuillage. Au lieu de menaces, les plaintes du vent. Décidément, je suis folle, se dit la petite. Où donc avais-je la tête? Et d'où vient que j'ai la cervelle remplie de fantômes ce soir? Je ne me laisserai plus surprendre. À peine Mitaine avait-elle achevé cette pensée qu'elle se sentit saisir la jambe. Cette fois, elle n'était pas victime d'une illusion. Elle se retourna brusquement et vit avec terreur un corps qui s'efforçait de sortir de terre en s'accrochant à elle. Au pied de chaque arbre, elle distingua un corps semblable enterré jusqu'à la poitrine et qui se tordait de douleur. Mitaine voulut, mais vainement, retirer la jambe. Le corps se cramponnait à elle et la tête s'approcha pour la mordre. Réalité ou spectre, mort ou vivant, nous verrons comment tu recevras ceci. Et l'enfant lança un coup d'épée qui porta sur des racines. Comment n'ai-je pas vu cela tout de suite? Je ne me pardonnerai jamais cette frayeur. Il faut avouer, maître Croque-Mitaine, que vous n'êtes qu'un mauvais plaisant. J'espère que vous m'opposerez quelque chose de plus sérieux que tout cela, sans quoi je ferai fort triste mine quand il me faudra compter mon expédition. Remarquez, mes enfants, qu'il en est presque toujours ainsi dans la vie. Sur 100 choses qui nous effrayent, 95 au moins nous feraient hausser les épaules si nous les regardions en face. Le ciel s'était peu à peu couvert de nuages. Quelques grosses gouttes de pluie commençaient à tomber. Dans le lointain, le tonnerre grondait, mais si sourd, si ridicule, qu'on eût dit un ronflement d'éléphant ou d'hippopotame. Vous verrez que mon plus grand danger sera de m'enrhumer. La pluie commence, et qui sait quand j'arriverai au château de la peur? Ce poltron de Croque-Mitaine a si bien caché sa demeure qu'autant vaudrait chercher une épingle au fond de la mer. Un effroyable coup de tonnerre fut la réponse de Croque-Mitaine, et la lueur de l'éclair permit de distinguer à peu de distance le château posé presque en équilibre sur la pointe d'une montagne de forme excentrique. Voilà donc ce joyau précieux qu'on met tant de soin à dérober à tous les regards. On a ma foi raison de le cacher, car il m'a paru le plus laid du monde. Et Mitaine pressa encore le pas. Elle suivait depuis assez longtemps une muraille en ruine, quand un éclair balafrant le ciel lui permit de distinguer un monstre hideux qui la regardait par-dessus le mur. Quelque chose comme le squelette du cheval combiné avec ceux de l'autruche, de la baleine et de la girafe. Une tête énorme pendant au bout d'un cou démesuré. Deux mains armées de longues griffes cherchaient sur le sommet du mur un point d'appui pour s'élancer. Mitaine, surprise, recula de 20 pas. La bête avança d'autant. L'enfant fléchit le genou et le monstre approcha. Elle sentit son souffle sur sa figure. « Par la chasse Saint-Landry, j'agis en petite fille et ne me montre guère digne de suivre au combat Charlemagne et Roland. » Elle se releva. Le monstre recula aussitôt. « Rien ne me corrigera donc. Chaque obstacle que j'affronte disparaît, et je me laisserai arrêter par cette méchante carcasse. Ouh, ouh, ouh ! Cria l'enfant en s'élançant contre le mur, auquel elle donna un vigoureux coup de talon. Les pierres s'écroulèrent, entraînant des lianes et des ronces centenaires, et brisant un pauvre arbre innocent qui depuis bien longtemps vivait les coudes appuyés sur la muraille. L'enfant haussa les épaules et se borna à murmurer « Je l'avais bien dit. » Au bout de quelques minutes, elle se trouva en présence d'un obstacle plus sérieux. Un torrent bondissait devant elle, entraînant dans ses eaux rapides des quartiers de rochers comme un autre du menu bois. Cette nouvelle barrière n'était aisée ni à franchir ni à tourner. La nuit était sombre et la lune, maigre, jaune et terne au milieu de ses panaches de nuages, avait plus l'air d'une veilleuse qui fume avant de s'éteindre que d'un astre de première classe. L'eau du torrent, moirée par cette demi-clarté, roulait avec une effroyable vitesse, et Mitaine se sentait prise de vertige chaque fois qu'elle la regardait. Notre petite amie se promenait à grands pas, cherchant vainement un passage. Les éclairs, comme pour la narguer, redoublaient d'intensité et lui montraient le château à peu de distance de l'autre rive. Elle finit cependant par faire une découverte. Un arbre était couché au-dessus du gouffre. Chaque vague, en courant, avait emporté son grain de sable de la rive. L'arbre à moitié déraciné avait tenu bon quelque temps, mais, fatigué de lutter, il s'était laissé choir. Mitaine contempla ce passage avec une certaine appréhension. Elle posa en tremblant le pied sur le tronc qui fléchit et se balança. Elle hésitait, et à mesure que son hésitation augmentait, l'arbre devenait plus mince et plus flexible. « Comment ? » se dit-elle avec impatience. « Je suis à une faible distance du but, et parce que le passage n'est pas sûr, je reculerai ? Non, non, c'est la peur qui me rend maladroite. Je fais chaque jour des choses bien autrement difficiles. » Elle mit alors résolument le pied sur l'arbre et remarqua avec surprise qu'il grossissait à mesure qu'elle avançait. « Mais je suis sur un pont de bois ?» se dit-elle à moitié chemin. « Non, ma foi, c'était un fort beau pont de pierre !» s'écria-t-elle à peine sur l'autre bord. « En effet, mes enfants, la peur double l'importance de la plupart des obstacles, parce qu'elle nous enlève la moitié des facultés qui devraient nous servir à les surmonter. » Enlevez au singe son intrépidité pour la donner à l'homme, et l'homme sera aussi agile que le singe. Mitaine ne vit devant elle qu'un seul chemin. Elle s'y engagea résolument. Et pourtant, il était si étroit qu'elle frôlait de chaque côté le rocher avec ses épaules. C'était moins un sentier qu'une gerçure de la montagne. Elle marchait à tâtons, un peu préoccupée de ce qu'elle allait trouver à l'extrémité de cette taupinière, lorsque son front rencontra un obstacle. Elle remarqua que la route s'était abaissée sensiblement et elle dut se courber pour continuer son chemin. « Voudrait-on m'enterrer vivante ?» Cette pensée lui fit courir des frissons dans les cheveux. « Et il y avait de quoi, je vous assure !» Mitaine était dans une obscurité complète. L'air lui manquait et elle sentait de seconde en seconde les quatre murs se resserrer davantage. « Tu auras beau faire, croque-mitaine, il ne sera pas dit qu'arrivé aussi près de toi, j'aurais reculé. » Elle dut continuer sa route à genoux. « Tu n'y gagneras rien et si je te rencontre, tu me payeras tout cela. » La voûte était si près de terre qu'elle fut obligée de se traîner. « S'il y a place pour une souris, je passerai. Tiens-toi le pourdit. » Elle vit alors avec joie une lueur à quelques pas d'elle. Cette faible clarté doubla son courage. Elle fit si bien des ongles, des genoux et des pieds qu'elle franchit en quelques secondes la distance qui la séparait de la sortie. Elle allait enfin renaître, respirer, vivre, courir. Un dernier effort et elle était libre. Elle s'aperçut qu'un grillage bizarre fermait l'issue du souterrain. « Diantre, voilà qui complique la situation et je serais curieuse de savoir Ce que ferait mon parrain à la barbe fleurie s'il était ici à quatre pattes dans ce trou de taupe, devant ce grillage? Monseigneur Saint-Jacques, vous que nous aimons tant, faites-moi sortir d'ici. Cela vous vaudra une bien belle prière. » Mitaine fit un dernier mouvement pour se rapprocher encore de la grille. Elle allait porter la main sur les barreaux quand elle s'aperçut qu'elle n'avait devant elle qu'une toile d'araignée. « Hurrah pour vous, mon doux apôtre! Vous m'avez sauvé d'un grand danger !» Mais l'araignée descendit au milieu de sa toile pour la défendre, et ce n'était pas avec un insecte vulgaire que l'enfant allait être aux prises. Représentez-vous un corps gros comme vos deux poings, gras et velu, des pattes par douzaines plus agiles et plus souples les unes que les autres, par devant deux pinces comme en ont les scorpions, et des yeux qui brillaient dans la nuit. Si Mitaine eût été libre de ses mouvements, elle ne se fût pas préoccupée de si peu. Mais vous vous rappelez qu'elle était à plat ventre, serrée de tous côtés comme un mort au cercueil, et il lui fallait combattre à coups de tête. L'araignée, profitant de l'hésitation de son ennemi, se mit à renforcer sa toile. Les mailles s'ajoutaient aux mailles avec une rapidité effrayante. Ce serait bien la peine d'être la filleule d'un empereur, la fille d'un preux, l'amie d'un héros, et par-dessus tout cela la protégée de Saint-Jacques, pour reculer devant une araignée, se dit la petite. « Montjoie Saint-Denis, suce à l'ennemi !» Mitaine baissa la tête, ferma les yeux et avança. La toile se déchira, et elle sentit son ennemi se glisser sur son cou, puis sur son dos. Alors elle s'appuya avec force contre la voûte, entendit un bruit comme ferait un œuf dont on écraserait la coquille, et maîtresse de la place, elle passa. Avec quelle joie elle se retrouva au grand air! Qu'elle aimait cette pluie qui lui fouettait le visage, ce vent qui faisait tourbillonner jusqu'aux cailloux du chemin! Devant elle se dressait le château de la peur.